بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الأصل الثالث؟ أنك خراسة الأصل الثالث قوي في الماء غزيمة استكوا نعم طاعة أولي الأمر من المسلمين وبيع غوفرنور parmi les musulmans. وهذا الأصل كيف أصبح في رؤوس الناس الآن؟ العكس نعم c'est devenu le contraire chez les gens. Pour eux la réalité c'est de sortir contre eux, de les critiquer. والمؤلف ذكر الأدلة التي تبين ذلك بيان واضحا يفهمه العامي. Il a mis les preuves qui démontrent justement le contraire, que justement il faut bien au gouverneur des preuves claires. Et des preuves là-dessus, il y en a plein. سنتقول في الأصل الرابع. الأصل الرابع. Quatrième fondement. قال المؤلف رحمه الله تعالى. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وقوله تعالى بل إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعمي البليد. ثم صار هذا ألغب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخير ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى للخلق ومدحه لا يتفواه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاده وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Ce quatrième fondement, quel est-il? Il est là pour démontrer la science et qui sont les savants. Et quelle est la science, la vraie? Quel est le fiqh? Le vrai al-fiqh, bimarna al-fahm, c'est la compréhension. Et pouvoir justement distinguer entre le vrai et le faux, c'est-à-dire entre les vrais savants, les vrais fuqaha, et entre ceux qui revêtent leurs vêtements, mais ne font pas partie d'eux. Et que Allah subhanahu wa ta'ala éclaircit ce fondement depuis le début de Sourate al-Baqara, où il dit dans le sens « Ô fils d'Israël, rappelez-vous mon bienfait sur vous et soyez fidèles à votre engagement, je le serai au mien. » C'est ce qu'ils disent « Ô fils d'Israël, rappelez-vous mon bienfait sur vous et que je vous ai préféré au monde entier. » Et qu'est-ce qui rajoute de la clarté à cela? Ce qui est venu dans la sunna sur ce sujet, que même le ammi al-balib, c'est-à-dire le ammi qui a l'esprit obtus, arrivera à comprendre. Et par la suite, ce fondement est devenu comment? Parmi la chose la plus étrange pour les gens, que la science et le fiqh, c'est devenu les bid'ah, les innovations et les dans la lettre les égarements. Et que maintenant le meilleur parmi eux, c'est justement le fait de revêtir la vérité par le faux, de camoufler la vérité par le faux. Et la science que Allah justement a imposée à sa création et dont il a fait l'éloge, personne n'y appelle pour eux, si ce n'est un zindiq ou un majnoun, un fou. C'est-à-dire que pour eux, la vraie science, il n'y a qu'un fou qui y appelle. Et celui qui se met à blâmer, ou plutôt à renier cette science, et à écrire pour mettre en garde contre elle, et l'interdire, c'est lui qui est devenu le faqih et le alim, le savant. يعني تقريب الحقائق encore retournement des réalités. وكل هذه الملاحظات قد رأيناها بأعيننا حتى في هذا الزمان. Toutes ces remarques que le shérif fait, jusqu'à notre époque, on les voit, on le constate. C'est toujours présent ça. قال الشارح الشيخ العثيمين ابن العثيمين رحمه الله تعالى المراد بالعلم هنا العلم الشرعي وهو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى والعلم الذي فيه المدح والثناء هو العلم الشرع علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Donc là maintenant la science qui est voulue par l'auteur ici, quelle est-elle? C'est la science légiférée, celle que Allah subhanahu wa ta'ala a descendue sur son messager avec l'éclaircissement et la guidée, celle que dont Allah fait l'éloge. C'est la science de la législation, celle qui est dans le livre et la sunna. Quand la hikma, c'est le sens de sunna. Allah dans le sens il dit, est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls se rappellent les doués d'intelligence. Et là ceux qui savent, ils parlent de la science. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que les prophètes, on n'hérite pas d'eux, on ne laisse pas d'ailleurs de richesse, c'est-à-dire de dinar ou de dirham, mais cependant ils font hériter de la science. Et celui qui aura pris la science des prophètes aura certainement pris de la meilleure des sources, plus fiable. On dira dans le ma'ana comme ça. ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة. إنما هو علم الشريعة. ومع هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة ولكنها فائدة ذات حدين. Il dit que on sait que la science dont les prophètes ont laissé après eux, que les prophètes ont laissé après eux, c'est la science de la législation, de la religion. Et malgré cela, nous ne nions pas le fait que les autres sciences ont des profits à porter. Mais ce profit est basé sur deux limites. قال إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية وهذا محل نظر ونزاع. Donc maintenant si cette science de dunya t'aide dans l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire appliquer la religion et à secourir la religion par laquelle les serviteurs d'Allah s'élèvent, alors elle devient un bien et un intérêt, un porte-intérêt. Et que les ulama ont même cité que le fait d'apprendre justement tout ce qui est les choses, les industries modernes et autres, sont une obligation commune. Mais cela, il dit que c'est un sujet à divergence. Fort qu'il faille, que c'est une chose que si certains de la communauté s'en occupent, ça ne devient plus obligatoire pour d'autres. Mais qu'il n'y a pas une unanimité là-dessus. ثم قال وعلى كل حال فالعلم الذي ورد الثناء فيه على طالبه هو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عاد ذلك فإن كان وسيلة للخير فهو خير وإن كان وسيلة للشر فهو شر وإن لم يكن وسيلة لا لهذا أو هذا فهو ضياع وقت ولغو. On dit, de toutes les façons, la science qui a reçu les éloges d'Allah et de son messager, et sur celui qui la recherche, c'est la science du livre et de la sunna. Et en dehors de cette science-là, tout ce qui est un moyen qui mène à un bien, parmi ces sciences permises, alors elle devient un bien. Si elle t'amène à un mal, elle devient un mal également. Et si elle n'appelle, elle ne t'amène ni à un mal, ni à un bien, alors elle est une perte de temps et une futilité. Une perte de temps et une futilité. Donc là, ça revient à ça, ce qu'il veut dire. Que les sciences comprennent la dunya, apprennent le jugement de ce à quoi elle t'emmène. Comme dans les Qawaid al-Fiqhiyya. Que les choses permises prennent le jugement de la raison pour laquelle tu l'appliques. Par exemple, marcher, c'est permis. Si demain tu marches pour aller au masjid faire ta jamara, cette marche te sera obligatoire et tu en tireras une récompense. Maintenant, tu marches pour aller dans un lieu interdit où il y a du haram, par exemple où il y a de l'alcool, la mixité, cette marche te coûtera les péchés du lieu où tu veux te rendre. Innamal a'malu binniyah. Les actes ne valent que pour leur attention. Donc le jugement s'applique pour ces sens mondaines également. Quelqu'un qui fabrique, par exemple, des voitures. Pour les mêmes raisons, pour que les muslimounes puissent se déplacer dans des lieux de bien et dans des lieux permis, l'entière récompense. Avec la voiture, il va au masjid, il visite ses parents, il visite les proches, il va à son travail, qui est permis, au réel d'Alika. S'il fait un acte permis, cette voiture lui sera permise. S'il fait un acte mustahab, ce trajet en voiture lui sera mustahab. Si ça l'amène à un wajib, il prendra la récompense du wajib. Et même des fois, مَا لَا يُتَمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَوَا وَاجِبٌ كَذَلِكَ. La règle qui dit que la chose que tu utilises, si elle est la seule, parmi les choses permises bien entendu, qui puisse t'apporter le moyen d'accomplir une chose obligatoire, alors cette chose devient obligatoire. Donc il redit bien que c'est l'apprentissage de ces sciences, s'il apporte un bien commun pour la Ummah, فَوَا خَيْرٌ, c'est un bien. D'accord ? On encourage les gens à s'y investir de façon modérée, bien entendu, sans délaisser leurs obligations religieuses. Et ils sont remerciés pour cela. Alors demain, on a des médecins. C'est une bonne chose. On a des... par exemple, on a besoin de gynécologues pour les sœurs. C'est une bonne chose qu'on n'ait pas allé chez les hommes. Qu'on ait des dentistes hommes, des dentistes femmes. Toutes ces choses dont on a besoin. Tant que cela ne pousse pas à tomber dans un interdit, et que les gens sont en mesure d'appliquer leur religion, on va dire, vas-y, on te remercie pour ça. Mais n'oublie pas ta part de djinn, c'est-à-dire, ne délaisse pas l'apprentissage des obligations. Il faut toujours que tu ne parles de talab al-ilm, toujours. Sage, tu saches c'est quoi le tawhid, comment faire ta salat, tous tes wajibat, il faut que tu les connaisses. Dis pas, je travaille, j'ai pas le temps. Tu dis, non, t'es obligé d'avoir le temps. Si jamais ton travail, comme dit Cheikh Al-Islam Taymiyyah, si une chose te t'occupe et t'empêche d'appliquer tes obligations de les apprendre, cette chose est interdite pour toi. Même si la base, elle est permise. Demain, un enfant, il va à l'école pour apprendre des choses, justement, en ce sens de dunya, et que l'école lui prend tout son temps, et il n'a pas le temps d'apprendre la religion, alors ces études qu'il fait, lui sont interdites. « Ala kalam shal islam fi iqtida salat al-mustaqim » Donc ces sciences, si elles nous apportent un mal, alors elles font un mal. Comme l'exemple qu'on a pris au début, quelqu'un qui fait une voiture, qui fabrique des voitures. Et que ces voitures-là, les musulmans s'en servent pour appliquer un mal. Se rendre dans des lieux interdits, faire des voyages interdits. Et lui, il fait ses voitures et il les vend juste pour ça, exprès. Donc cette fabrication devient interdite. Parce qu'il a une mauvaise intention et il y a une mauvaise utilisation. Ça devient interdit. Et si maintenant ces industries, ces sciences n'apportent ni maslaha pour la Ummah, ni mafsada, ni de mal, alors on prend jugement d'une chose inutile et une perte de temps. Fais autre chose qui t'apporte un profit. Car là, tu apprends une chose mondaine, tu n'en tires aucune récompense, même si tu n'as pas de mal non plus à subir. Fais une chose qui t'apporte du bien. Fais une chose qui t'apporte du bien. À toi et aux autres. Et même le larou, le futilité, ces choses en religion, c'est interdit, c'est blâmé par Allah. Que la vie de ce bas monde n'est que jeu et futilité, distraction. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les fois où ce qui est lahou est permis, trois choses. Le mari qui joue avec sa femme, qui présente avec elle. Le dressage de la monture. Et le tir. À l'époque, c'était les arcs. Les archers. C'est ça? Dressage de la monture. Ton cheval, tu le dresses. Tu montes dessus, tu apprends à chevaucher. Parce qu'au début, quand tu as un cheval, comme ils avaient avant, ils le prennent peut-être petit ou sauvage. Ils ne savent pas faire. Il faut le dresser. Ils t'obéissent. Donc ça, tout ça, c'est une forme d'entraînement. Il y en a, c'est un sport pour aujourd'hui, le rodéo, là. C'est un sport pour maintenant. Mais c'est un sport, il ne sert à rien. Il se casse le dos, ça sert à rien du tout. C'est vraiment ce qui est plus stupide et plus ridicule à faire. Tombe sur un bœuf, reste plus longtemps poussé sur un bœuf. C'est un hadith qui est venu qu'il y avait un homme qui montait sur une vache et lui dit, j'ai pas été créé pour ça. C'est Al-Bukhari. Un homme montait sur une vache, elle a regardé, elle lui dit, j'ai pas été créé pour ça. Alors qu'il y a un bœuf. Le bœuf n'a pas été créé pour tout le monde dessus, il a été créé pour qu'il tire des choses comme la charrue ou qu'on en mange ou d'autres fonctions, alhamdoulilah, mais pour monter dessus, non. Alors qu'en plus, il se débat, il veut te faire tomber par terre et te piétiner. Toi, il faut que tu restes dessus, tu t'accroches à une main. Ça sert à rien du tout, ça. Tu vas te faire mal, tu vas te blesser et tu vas tomber de toute façon. À la colline. Ça, c'est parmi les délires des mécréants qui ne savent pas quoi faire de leur temps. Subaqal. Wal ilmu lahu fada'il kathira. منها أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما عملوا وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Donc la science a beaucoup de vertus, beaucoup de mérites. Énormément, beaucoup de hadiths sont venus. Parmi elles que Allah justement élève les gens de science. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, Allah les élève en degré, en mesure de ce qu'ils ont fait comme da'wa, et comme profit pour les gens, et comme œuvre en ce bas monde. Et dans la dunya, Allah les élève au milieu de ses serviteurs, également en fonction de leurs efforts qu'ils ont fournis. Regarde bien les ulama en ce bas monde, ils ont un haut rang. Auprès des gens qui les reconnaissent pour de vrai, ils ont un haut statut. Ils gagnent un grand respect. Et comme cela va venir, les gens qui ne savent pas c'est quoi un savant, ils les dénigrent, ils les rabaissent. Mais eux, on ne tient pas compte de leurs paroles et de leur comportement. Naam. Wa minha al-fada'il annahu iraf an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme il dit an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, in al-anbiya la yurathuna dinaran wa dirhaman, innama warithu al-ilm, faman akhadhahu akhadha bi hadhin wafir. Donc parmi les vertus de la science également, quels sont l'héritage des prophètes? La science, c'est l'héritage des prophètes. Comme dans le hadith qu'on a stipulé au début. Que les prophètes ne font pas hériter d'argent, mais de la science. Wa minha annahu mimma yabqa lil-insani ba'da mamatihi faqad thabata fi al-hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. Parmi les vertus de la science, ses mérites, quelle est la seule chose qui puisse rester après la mort de la personne qui lui apporte profit toujours? Comme dans le hadith qui est venu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si jamais le serviteur meurt, toutes ses œuvres cessent, à part trois choses: une aumône courante, une science utile, et là c'est la science légiférée, et un enfant pieux qui invoque pour lui. Allah yad'oula. Et cet enfant pieux, quelle est la cause qu'il est devenu pieux? Que tu l'éduquais avec la science. Que tu l'éduquais avec la science. قال ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعيم إلا على نعمتين هما طلب العلم والعمل به والغني الذي جعل ماله خدمة للإسلام. فعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على حلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Parmi les vertus de cette science également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a incité personne à envier qui que ce soit dans, et en orbite pour deux choses. Deux bienfaits. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a incité personne à envier qui que ce soit, hormis pour deux bienfaits. Quels sont ces deux bienfaits? Le premier, la recherche de la science, talab al-ilm, et l'œuvre, les actes qui vont avec. La deuxième, le riche, celui qui investit son argent, qui le dépense dans, au service de l'islam. Selon Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'envie, hormis sur deux choses. Tu n'as pas envié des gens, hormis pour deux choses. Un homme à qui Allah a accordé de l'argent et qu'il le dépense dans la vérité. Et un homme à qui Allah a accordé la sagesse et la science, et qu'il l'applique, et qu'il l'enseigne. Donc on envie qui? Le riche, qui est humble, et qui dépense de son argent, fisabilillah, lorsqu'il sert à l'islam et aux muslimines. Donc c'est pas une richesse pour avoir le confort, mais c'est une richesse qui contribue à porter profit aux autres, à lui-même en premier lieu et aux autres. Car en général, on veut être riche, pourquoi? Pour être dans le confort, pour être à l'aise. Cette richesse-là, ce n'est pas un blâme, tant que tu ne tombes pas dans le haram, de vouloir être à l'aise. D'être riche pour être à l'aise. Tant que ça ne t'a même pas à tomber dans les choses interdites. Mais là, la vertu, le mérite, c'est d'être riche, pour dépenser cet argent dans la maslaha des muslimis, pour l'islam. Et le deuxième, c'est un homme à qui Allah a accordé la science, l'ilm, l'hikmah, et qu'il l'applique, et qu'il l'enseigne. Car celui qui a la science, et qui ne l'applique pas, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comparé à un âne qui porte des livres. Kama thal himar yahmilu asfara. Que ceux qui transportent la Torah et qui ne l'appliquent pas font l'exemple de l'âne qui porte des livres. Un âne qui porte des livres, ça ne sert à rien du tout. Et deuxième chose, celui qui a de la science et qui la propage. Car celui qui la cache est blâmé. Comme a dit Ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Que ceux qui dissimulent ce que Allah a fait descendre comme guidée, après qu'il les démontre aux gens dans le livre, ceux-là seront maudits par Allah et seront maudits par ceux qui maudissent. Donc, dissimuler la science, la cacher, est un grand péché. Et dans un hadith qu'on a pris dans Jami'a Bayan al-Ilm wa Fadlihi, le hadith qu'on a pris, que celui qui demande une science, qui est interrogé sur une science qu'il possède, dont les gens ont besoin qu'il la cache, viendra Yawm al-Qiyamah avec comme du feu sur le visage. J'ai oublié l'offre du hadith. Cela démontre que c'est un grand péché, car il y a un châtiment qui vient. Non. قال منها كذلك أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم ولا يخفى على كثير من الناس قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسه. Donc la science également est une lumière, ou plutôt le savant est une lumière par laquelle les gens se guident dans leur dîn et dans leur dunya. Le savant il sert aux deux. Et il n'échappe à personne l'histoire de cet homme qui avait tué 99 personnes et qui après est parti demander pour savoir comment se repentir. Au début il est tombé sur un moine, il lui a demandé est-ce que j'ai une tauba, il lui a dit non, qu'est-ce qu'il a fait, il l'a tué. Après il a demandé un homme savant, il lui a été indiqué un autre homme, un vrai savant, il lui a dit wama va yahulu bainak wa baina tauba, qu'est-ce qui va se séparer entre toi et ta tauba? Il a dit oui, il y a une tauba, mais seulement il y a des conditions, tu quittes cette terre, car cette terre dans laquelle tu es c'est une terre de mal. فإنها أرض السوء وإذا وانطلق الأرض الفلانية فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. Va à telle et telle terre car il s'y trouve des gens pieux qui adorent Allah, donc adore Allah avec eux. Donc il lui a dit, en restant là où tu es, tu vas continuer à faire du mal. Le lieu où tu es va t'inciter à faire du mal. Donc tu veux vraiment arrêter de tuer des gens, pars d'ici. Qui lui a dit, indiqué cela? Un savant. Et avant, il a demandé à quel ignorant. Résultat, l'ignorant, bah, s'est fait tuer. Son ignorance lui a coûté sa vie. Donc voilà la différence entre le savant et l'ignorant. Donc il dit, « إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم يتشبه بهم في المظهر ومنظر والمقال والمفعل أو الفعل ولكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق فخيار ما عنده ويلبس الحق بالباطل وغير ذلك. Donc il dit maintenant, quand tu as compris cela, la vertu de la science, il te revient de savoir qui sont les savants. Vraiment, les vrais savants. Qui sont-ils? Ce sont les rabbaniyoun. Man yafkuruna man al-alim al-rabbani. C'est quoi la rabbani? Hein? Al-Yakhouz Sira al-Ilm comme Tibariha. Non, qui prend les sciences au début qui sont petites avant de prendre les grandes. La qui n'a pas de akhar. N'a pas autre chose. Dans Usul Salata. Man el Rabbani. Min Kalal ibn al-Qayyim. Rahimallah ta'ala, ce que ibn al-Qayyim l'avait dit. C'est qui le Rabbani? C'est les quatre masaïd qu'on a pris au début. العلم العمل به الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه qu'il a pris le ilm qu'il l'a appliqué qu'il y a appelé et qu'il l'a patienté et ce kalam est inspiré du kalam de Ibn Qayyim. Le jihad du nafs est de quatre sortes: jihad de l'apprentissage, de l'application, de la propagation et de la patience. Après, il a dit, c'est cela, le Rabbaniyoun. Ça, Rabbani. Non. Donc, distinguer entre le vrai savant et l'imposteur, le charlatan, comme on l'appelle. Celui qui revêt l'habit du savant, qui n'en est pas un. Il lui ressemble dans l'apparence, dans les paroles et dans les actes. Cependant, il ne fait pas partie d'eux. Dans le conseil pour la création. Et dans le fait qu'il veuille le bien pour eux. Il n'est pas pareil. Il n'est pas comme le vrai savant. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il camoufle ou il revêt le faux par l'habit de la vérité. Il vient avec des belles paroles, comme il dit que l'assoiffé pense comme étant de l'eau. Lorsqu'il vient, il n'y a rien du tout. Comme un mirage. Il a soif, il voit au loin quelque chose, il croit que c'est de l'eau. Il court pour y aller, quand il vient pour boire, c'est du sable. Il n'y a rien en fait. Tu es attiré par une chose qui brille, mais il n'y a rien derrière. Donc là, les gens doivent savoir qui est le savant. Et qui ne l'est pas. Et que pour eux, aujourd'hui, le savant, le vrai savant, c'est un syndic, c'est un fou. Et regarde bien, les vrais savants sont délaissés aujourd'hui, dénigrés. La plupart des gens les critiquent. Mais cela, hava wallahi ma yadurruhum. Ça ne leur dit rien du tout. C'est ceux qui parlent, excusez-moi même. Les gens sont malades. On leur propose un remède pour se soigner. Ils incitent le remède et le médecin qui les conseille. Ils vont aller voir celui qui leur propose un poison ou une chose qui va faire du mal. C'est ça qui se passe. Ils ont changé le remède par le poison. Ils ont causé leur propre perte eux-mêmes, malheureusement. Il l'aiman rahmahullah. Car les imposteurs, t'en as plein. T'en as plein des gens. Imposteurs dans la science. Beaucoup en France viennent, se disent messalènes, prédicateurs ou je ne sais quoi, sont mis en avant, sont élevés. Ils sont gonflés et tu regardes, ils n'ont quasiment rien appris. Très peu. Et pas mieux, certains n'ont rien appris du tout. Mais juste, ils savent parler. Ils savent se mettre en avant. Des gens sont des gens du spectacle un peu. Ils sont à l'aise devant les gens, devant le public, ils aiment se montrer. Et ils parlent. Ils font des vidéos, ils font ceci, ils font cela, ils font même des sketchs. Certains d'entre eux font des sketchs. D'autres font des mises en scène sur un yacht. Ils parlent, ils discutent que l'islam, on s'amuse. Ils plongent de la mer et les gens, ils aiment ça. Voilà, ça c'est Cheikh Foulen.

c'est pas de la culture. Demain, tu peux être cultivé et t'es un jahil en religion. Tu connais plein de trucs dans l'histoire, plein d'auteurs, plein de livres, plein de faits, mais dans la science, légiférer, tu ne connais rien. Tu es cultivé. Le point de science, t'es un grand ignorant. Et Allah SWT, Yom Al-Qiyamah, t'attends, je pense à la culture générale. Mais sur ces bases de la religion, est-ce que tu les appliques comme il se doit? Donc attention, savoir qui est le savant, qui est l'imposteur, et qui, on va dire, le journaliste. Car c'est pas pareil. Donc là, c'est le fondement qu'on a pris aujourd'hui, qui était le quatrième. Savoir, distinguer la science, la vraie, et ne pas dénigrer les savants, revenir vers eux. Et quand on dit le savant, bien entendu, c'est pas dans l'absolu, c'est le dalil. On ne prend pas le savant pour sa personne, mais pour la science qu'il a. Cette science nous permet d'être éclairés sur ce qui nous pose problème. Naam. Et cette science, c'est l'héritage des prophètes. Akhada. Fanaktafi bihada al-yom. On a kul subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.